60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. J'aurais toute la sable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Oh yeah, you bet! On a un sacré show pour vous autres à soir. Fait accrochez votre tuque avec ce qui dépasse. C'est quoi qui va se passer, hein? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai-tu vu qu'il y avait un fil de déplogué après la caméra qu'il y a là? Ouais. Ça va vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir? On a Ariane Filiatro. Salut, bonsoir, Ariane. Bonsoir, n'oublie pas de parler dans ton petit micro. Ariane est là avec sa collection de Q-Tex, c'est ça? Non, c'est pas du Q-Tex, c'est du... Oui, c'est ça, du Q-Tex. C'est ça, du gros vernis à ongles. Le but, dans le fond, c'est que toi, aujourd'hui, non ouais. seulement tu transfères ta collection au musée, voilà. mais en plus, t'as insisté pour venir me faire une job de manucure. Oui, je vais en fait, ce que je veux faire, c'est te peinturer les ongles d'orteils et de doigts de 20 couleurs différentes. Ben voilà, c'est dit. J'ai bien ben hâte de voir ça, parce qu'il y en a au moins 20, donc on va pouvoir faire chacun des orteils et des doigts. Ça va être une des parties du show de ce soir, c'est pour ça que vous allez peut-être me voir un petit peu plus en avant de la caméra que d'habitude. On a aussi Simon Portalance des Pile-Poil qui est ici pour nous présenter leur show qu'ils vont s'en vont faire au Festival d'Internet de Alma. On a aussi Annick qui est une productrice, ça c'est quelqu'un qui nous est tombé dessus grâce à Fantasia et grâce à Célia. On va l'interviewer tantôt, savoir comment qu'elle... Qu'est-ce qu'elle pense du festival qui dure ici à Montréal? Un festival qui va très bien de mon côté parce que, hein, on va voir des films, on a peur, c'est ça qui est important avec ça. Sinon aussi, on a l'équipe Fusée au complet qui passe en finale aux Caliques, les Caliques qui sont au ZooFest. Et voilà, samedi prochain, c'est la grande finale. On a les membres de l'équipe Fusée qui passent pile poil à peine. Et voilà, on va pouvoir leur en parler. Et aussi, on a Mathieu Boudreau et Jean-Sébastien Godette pour terminer l'émission. Ça fait quelque chose d'assez chargé. Donc, Ariane, peut-être un petit dernier mot avant de te lancer dans la confection de « J'ai jamais eu de vernis à ongles sur mes orteils ». Je pense que j'en ai déjà eu pour un costume ou une blague sur mes doigts. Mais bon, pour moi, c'est une grande première. On fait ça à 70%. On aime ça briser les barrières et détruire les acquis. Donc, voilà, je t'invite à prendre place. Pendant ce temps-là, ben, on se lance dans un premier clip. J'ai l'impression que ça va être un clip que Simon Portalance nous a amené. Un clip des Pile-Poil. Vas-y, Mathieu, switch ça. On se revoit dans un instant. On va commencer à faire. Éric Chagnon, sale dose, s'il vous plaît. Éric Chagnon, sale dose, merci. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Patterson. Éric Chagnon. Enchanté, Monsieur Chagnon. premièrement, est-ce que vous pourriez juste laisser votre baril à l'extérieur? Mais monsieur, c'est parce que quand j'ai pas mon poulet, ça devient super agressif. OK. Eh bien, est-ce que vous pourriez d'abord juste le laisser par terre? Ah, pas de problème. Alors, Éric, j'aimerais savoir pour quelle raison est-ce que tu désires travailler pour notre entreprise? Monsieur, l'entreprise, c'est le vaisseau dans Star Trek, puis moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'espace. Ouais, c'est sûr, je m'adonne pas bien avec les Klingons, mais je dois mettre de l'eau dans mon bain pour le bien de la mission. Et sinon, je vois que vous avez battu Bowser dans Mario 2. Vous plaisantez, là, c'est une joke. Non, je l'ai vraiment battu, là. Ouais, mais c'est parce que Bowser, il est pas dans Mario 2. Non, mais dans la version japonaise, c'est Lost Level. Mm-hmm. Et sinon, je vois que vous avez aussi capturé... Vous avez capturé 3 Mewtwo dans la cassette rouge de Pokémon. Comment vous avez fait ça? C'est impossible. Non, mais j'avais un GameStar avec plein de codes dedans. Et dans World of Warcraft, vous êtes rendu niveau 164. Est-ce que vous avez aussi utilisé un Game Shark pour ça? Non, ça c'est parce que 8 heures par jour depuis 2004, World of Warcraft, c'est un peu comme une job à temps plein, là. Et sinon, à part les jeux vidéo, est-ce que vous avez eu de l'expérience dans un autre travail, avec le public par exemple, dans un commerce? En sixième année, j'ai vendu du chocolat pour l'UNICEF. Ah, c'est bien ça. Mais dans le fond, c'est ma mère qui l'a tout acheté parce que j'ai tout mangé avant de le vendre. Eh bien, je crois que j'ai entendu tout ce que je vais entendre. Monique! Vous pouvez laisser tomber les deux autres candidats parce qu'on a trouvé notre nouvel employé! Félicitations, Monsieur Chagnon! Sérieusement? Oui, oui, tu me fais rire, le gros. T'es... Juste quand tu respires, t'es tordant. Non, mais merci beaucoup, mais je suis tellement content, là. Je vais vous redonner ce merveilleux CV et officialiser ça avec une belle poignée de main parce que vous avez été prêts à surprise, surprise! Alors, on avait une caméra juste là, une autre derrière, une autre au-dessus de vous, ainsi qu'une autre en dessous de vous. En plus, c'est celle derrière moi. C'est ton père qui a tout organisé. Tu pensais vraiment que t'allais avoir la job, piston? En pensant, je te sens que dehors de la maison, gros taré. Roger, Roger, il pleure, vite, viens prendre ses larmes. Hey, mais monsieur Bilbao, tu n'es pas censé d'être mort, vous? De toute beauté, c'était un clip des pile-poils, vous êtes à 70%. Ariane qui vient de me faire le gros orteil en vert Ninja Turtle. Et ça continue, on est dans le violet maintenant, les contrastes sont importants. Et on a été rejoint en studio par Annick, j'ai ton nom de famille pour moi, c'est un challenge là. Manerte. Manerte, et voilà, c'est M-A-N-H-E-R-T. Non, M-A-H-N-E-R-T. Et voilà, le H, c'est important. Et tout le monde fait l'erreur. Et ben oui, je suis du monde. Est-ce que c'est ta première fois au Québec? C'est ma deuxième fois. Ta deuxième fois, c'est quoi t'avais fait la première fois? C'était Frontières l'année dernière. Ah, bon, voilà. En fait, c'est ma troisième fois, je suis venu il y a une vingtaine d'années, mais je m'en rappelle plus. Donc, toute jeune Annick. Non, c'était le sac à dos Annick, mais j'ai en mémoire un blizzard et c'était, je crois, au mois de décembre ou novembre. Ah, t'es venu à faire du pouce au mois de décembre. Je me rappelle vraiment juste de la neige et que j'ai acheté un gros pull bien chaud et voilà, c'est ma première expérience. Donc, dans le fond, tu cours les festivals de films. C'est ça, ouais. Pourquoi? Je suis consultante en acquisition, c'est-à-dire que je travaille avec des distributeurs et des agents de vente à l'international. Et en fait, je les aide, les consulte à l'achat de films. C'est-à-dire que ce qui est un job en fait plutôt cool. Bah oui, mais il faut que tu vois beaucoup de films, il faut que tu ailles le flair trouver la bonne aubaine. C'est en fait d'aller à des marchés, de regarder une cinquantaine de films, parfois pas en entier. Mais de les regarder, de savoir très vite, de pouvoir juger si ça peut être quelque chose pour un territoire ou mes clients avec lesquels je travaille. Est-ce que ça t'arrive, mettons, tu vois un film coréen diffusé ici, tu te dis, ça serait bon, genre, dans l'ouest de l'Europe? Ou est-ce que tu as des fois des régions particulières associées avec le film? Non, en fait, c'est plus... Je suis un peu un caméléon pour mes clients, c'est-à-dire que je connais leur line-up, je sais ce qu'ils achètent en général, je connais un petit peu leur territoire et je sais ce qui peut fonctionner en fait dans leur territoire ou pas. Donc c'est vrai que parfois je vois des films qui sont extraordinaires, mais après quand je pense en termes de vente, je sais que ça va faire zéro, donc je le propose même pas, même si ça me brise le cœur. Ok, est-ce que c'est un exemple comme ça d'un film que tu aurais aimé pouvoir pousser plus, mais que finalement au niveau, c'était pas une bonne affaire, t'as pas flairé la bonne affaire, mais t'as reconnu le talent, mettons? Non, c'est plus un cas, par exemple, je peux en parler, il y en a un ici qui s'appelle Faults, qui est un tout petit film indépendant américain qui me plaît énormément, mais voilà, enfin, en termes de vente, c'est extrêmement difficile. Ou bien récemment, quand j'étais à Cannes, j'ai vu un film mexicain qui me plaît beaucoup, mais c'est que pour le marché, par exemple pour la Suisse, j'ai un client en Suisse, les salles de cinéma vont peut-être le sortir une semaine et puis donc du coup c'est à perte. Ça le fera pas, ça. Et voilà. Et puis je veux dire, qu'est-ce que tu trouves le plus challenging dans ton emploi? Le plus challenging, c'est d'être le plus rapide. C'est-à-dire, malheureusement, il y a, enfin, on l'est, pas malheureusement, je dirais heureusement, enfin, on se connaît un peu tous, mais on est quand même beaucoup sur le circuit à chercher la petite perle. Et du coup, c'est d'être le plus rapide à contacter le producteur ou bien de trouver le film. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je voyage quasiment 8 mois par année. Je vais quand même à une quinzaine de festivals par année, de marchés. Et puis tu reconnais les mêmes têtes de chasseurs, de consultants d'acquisition aussi. Il faut être poli, mais en même temps, j'espère qu'il est malade et qu'il ne sera pas à première. Là, Après, il y a aussi, certains clients n'ont pas l'argent pour acheter un certain type de film. Ah, donc voilà, je sais qu'il y a un certain type de film que je ne vais même pas aller chercher parce qu'on n'a pas les moyens financiers de les acheter. Les limites budgétaires, c'est pas mal synonyme de cinéma ces temps-ci. Qu'est-ce que tu trouves qui a évolué le plus dans le domaine du cinéma? Ces dernières années avec Internet et tout, la distribution, ça peut devenir vraiment autre chose rapidement. Ce qui a évolué, évidemment, l'accès au film par Internet, malheureusement, le download qui nuit quand même beaucoup. Moi, j'ai plutôt une chose qui me chagrine, parce que j'ai quand même envie de le dire, c'est de voir comment le public a changé, en fait. Nous, on est encore une génération qui apprécie d'aller voir un film au cinéma sans téléphone portable, sans discuter en salle. Et je me rends compte que les nouvelles générations sont des générations qui ont en fait deux écrans, c'est-à-dire qu'ils vont être au cinéma, ils vont avoir un écran, un téléphone portable dans la main, ils font plusieurs choses en même temps. Et du coup, nous, on se retrouve avec ce téléphone portable en fait dans le visage, et on se fâche avec eux, mais je pense que on doit s'adapter aussi. Mais bon, enfin. Après, voilà. Enfin, oui, le digital fait que aujourd'hui, des réalisateurs ou des producteurs débutants ou bien qui ont peu de moyens peuvent aujourd'hui produire des films et qui finissent par exemple à des festivals comme Fantasia. Donc, il y a un accès plus facile en fait. La technologie a permis en fait aussi à des réalisateurs. De se faire découvrir. Effectivement, il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais. Mais j'aime ça quand tu parles du public qui est en train de changer, parce que effectivement, on le sent, là, la méthode de diffusion. Oh, t'as fini le premier pied? Oh, voilà, donc on a bleu, orange, vert, violet et vert turtle. On passe au deuxième pied à 70%, ça brasse en sapristi. Les petits orteils boudinés. Et voilà. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai joué, mais il y a très longtemps. Je pense que j'ai joué quand le jeu est sorti, en fait. Oh boy, hein, 93, 95. Mais je me rappelle même plus comment on joue. J'avais des paquets. On avait toutes, là, Ouais, je suis désolé. J'avais des paquets de cartes entiers. On passait des après-midi à jouer dessus. Mais c'est comme la PlayStation et tout ça. C'est juste que j'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui. Et du coup. T'es 8 mois en voyage par année. Je regarde des films au lieu de jouer à des jeux. Je devrais peut-être aussi jouer à des jeux parce que vu que. Trouve-toi deux écrans, fais deux affaires en même temps. Non, mais je dis ça parce que en fait le jeu vidéo a évolué aussi. Ah ben oui. Et que en termes de scénario et tout, c'est devenu du cinéma aussi. Donc, Heavy Rain, c'est ça. Ouais. C'est un film jeu vidéo. Last of Us et tout ça. Enfin, c'est des raisons pour lesquelles aussi maintenant des acteurs commencent à jouer en fait dans des jeux vidéo. Puis si maintenant moi je veux devenir un consultant en acquisition, comment je fais? Je pense qu'il faut avoir une très très bonne connaissance du marché. Ok. Sincèrement, je sais pas. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le métier, donc je suis passée par. J'ai commencé comme assistante marketing en fait à la 20th Century Fox en Suisse. Ouh. Après, j'ai travaillé pour Warner un petit peu. J'ai travaillé dans un multiplex cinéma. J'ai fait 2 ans de production. J'ai fait de la distribution. Et donc, du coup, j'ai une palette complète en fait de savoir que j'ai utilisé. Puis j'ai fait 1 an de vente internationale. Je pense que. Le mieux, ce serait peut-être. Je pense pas qu'on devient consultant en acquisition du jour au lendemain. Ah. Je pense qu'il faut être patient, les amis. Ouais. Je pense qu'il faut connaître. Faut peut-être démarrer dans une boîte de vente comme stagiaire ou apprendre à. Ouais. Il faut connaître le marché. Il faut vraiment connaître le marché. Oui, je comprends. Et puis, je veux dire, est-ce que tu as l'impression que tu es comme rendu au stade ultime de ton développement d'évolution de Pokémon? Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de consultant en acquisition? Parce que on recherche toujours. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de toute façon, moi j'adore ce que je fais, c'est aller chercher, lire des scénarios, regarder des films. Juste ça vaut très cher. Ça n'a pas de prix, mais l'évolution, c'est de pouvoir avec, parce que je travaille donc aussi, je collabore avec Raven Banner qui est donc canadien, okay. qui est à Toronto, c'est de voir aussi et d'aider cette boîte qui a quand même seulement, qui est jeune, hein, qui a je crois 3 ans et demi, à évoluer et essayer d'avoir des projets de plus en plus gros pour pouvoir attirer de plus en plus d'attention. À côté, maintenant, c'est vrai que depuis 6 mois, je me suis relancé un petit peu dans la production, mais plus la production exécutive. Ok, ok. C'est-à-dire trouver des projets qui me plaisent et accompagner le réalisateur ou bien le producteur tout au long en fait du développement du film, ou par moment même ce que j'ai fait sur ma première production exécutive, carrément aller chercher de l'argent dans mes finances personnelles parce que voilà, parce j'ai vraiment cru au film, puis qu'on investit, que ça peut revenir. Voilà. Ne le faites pas. Ah, ça si a pas bien été. Ne le faites pas, mais c'est juste que là, voilà, j'avais fait. J'avais quand même un petit peu étudié le dossier et ça me semblait être un bon coup. Donc, un bon placement. Ouais. Ben voilà, il ne faut pas s'arrêter non plus à la première erreur. Non. Est-ce que tu as une perle, une découverte dans Fantasia cette année à date? Je ne peux pas vraiment dire que j'ai une perle à Fantasia cette année parce que j'étais quand même. Je reviens de Corée, j'étais en Corée juste avant et puis bon, j'ai quand même fait pas mal de festivals avant. Et je dois être très sincère, je suis vraiment venue avant tout pour le marché du film. Et donc pendant 4 jours, j'ai pas vu de film du tout. Okay. J'étais au marché de production, avec les gens qui, voilà, okay, pour okay. voir un petit peu si je pouvais trouver des projets, si on pouvait s'attacher à, enfin travailler en fait, collaborer avec des producteurs. Et voilà, c'est donc. Ta deuxième fois à Montréal. Ouais, on va dire que c'est ma deuxième fois. Ouais, ouais. Est-ce que t'as une adresse à suggérer à peut-être à des amis français ou? Pas vraiment. Bon, ben, vous m'appellerez moi pour vous en suggérer. Parce que c'est vrai que la viande de pastrami là-bas est très bonne. J'ai eu ma première poutine avant-hier. It's on. C'est lourd. C'est lourd, mais je pense que, enfin, ouais, je suis contente de l'avoir goûté. De l'avoir. En fait, c'est fait pour toffer l'hiver et puis le blizzard et tout. Ouais, tu vois ouais, ce que ouais, c'est. Ouais, ouais. Et voilà. Mais j'ai bu beaucoup de bière, surtout dans les 4 derniers jours. Merci beaucoup, Annick. Merci. Je te laisse le mot de la fin. C'est peut-être une dernière anecdote, une réflexion, une insulte à mon égard. Non. Moi, non. Ce que je peux dire, c'est que je découvre aussi les douteux et je suis bien contente d'être passée. Ben oui, le musée de l'absurde et tout, ta première ouais. visite. Ben ça, oui, ma important. Première visite. Et déjà, ça fait une adresse hein, ouais. pour les Français. Exactement. Donc, un petit clin d'œil aussi quand même à Célia, parce que je ne connaissais pas, et c'est quand même grâce à elle que j'ai découvert Les Douteux et le musée de l'absurde. Et voilà. Ouais. Merci beaucoup, Annick. Je te souhaite de trouver la perle rare Merci qui beaucoup. Va te rendre fière de toi pendant ces éons qui s'en viennent. Et puis, ben, allez pas trop loin. On va écouter un petit clip, puis au retour, j'ai l'impression que ça va être l'équipe fusée. Et voilà, on a déjà 4 orteils. C'est fabuleux. Merci beaucoup, Annick, de t'être prêté au jeu. Et puis, ben, vas-y, Mathieu, on parle des clips. Amène-moi à Chicoutimi, où il n'y a rien à faire, vu que les routes sont finies. Sur le boulevard du Royaume. Amène-moi à Chicoutimi, manger des hot dogs à la cantine au gris. Je veux voir la place du royaume. En 1996, c'est bien qu'une avalanche. La seule chose qui a tombé sur la petite maison blanche. Après déluge, la ville a pris sa relance. La meilleure place pour faire des achats. Parce qu'il y a $3 à mort. Et c'est tellement hot, mon pont, ils prennent en feu. C'est clair, on vit comme des dangereux. On va au vieux port, claquer des buvards. Et on va saluer la cible. Par le café de cocaïne. Amène-moi à Chicoutimi, où y'a rien à faire du lundi au samedi. Sans voir la place du royaume. Amène-moi à Chicoutimi, dimanche à l'église, demain prend des prix. Ça ressemble à ça, le royaume. Ha 70%, on est en train de vivre le rêve en studio. Ouais, micro rouge et jaune, mon cher technicien Mathieu Boudreau. On est encore à la recherche de la couleur pour le gros orteil parfait. Et je suis rejoint en studio par les membres de l'équipe Fusée. L'équipe Fusée qui font la finale, est-ce que vous y croyez? Non, pas du tout. Pas du tout? On a encore de la misère à croire à ça, pour vrai. On s'attend. J'étais déçu en plus parce que je voyais le classement. J'étais comme, je pense qu'on passera pas. Finalement, ça a passé. Ça a passé. En fait, on s'attend encore à voir Marcel Bilbao. C'est ça qu'elle a dit. Que c'est surprise, surprise. Non, non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Il y a quelqu'un derrière le rideau. On vous voit, on vous veut en finale samedi. Êtes-vous en train de refaire... Oui, il y en a de partout. C'est... Êtes-vous en train de refaire des clips ou vous allez... Oui, tranquillement, on est en préparation pour des clips. Chacun de notre bord, on se consulte un peu quand on finit de faire un clip. Puis, Avez-vous comme un message à dire aux équipes adverses, quelque chose? Il n'y a pas d'équipe adverse. Non, ils sont pas à notre hauteur. Non, c'est les équipes. Et voilà, c'est dit. Et puis, est-ce que vous avez une méthode de création particulière? Une méthode pour avancer la chose? Vous vous séparez ça? Vous faites ça les trois en même temps? Vous demandez à les lamentins de prendre des balles avec des numéros dessus? Les lamentins, c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Non, il n'y avait pas pensé aux lamentins, non? Ouais, c'est vrai essayer. Qu'on va s'en parler. C'est juste qu'on ait un gros aquarium puis un gros jeu de balles. Mais... On demandait à Yves Corbeil, il y en a sûrement un chez eux. Ben oui. Yves Corbeil, il y a un lamentin. Ah, des le boulier. Non, je parlais des bouliers de l'Auto-Québec. Il a gagné ça, c'est un gratteux. Et voilà. Et puis, ben, sinon, je sais quoi je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Jouez-vous à Magic? Non, mais je vais te dire ma carte préférée suivant la réponse de Testeur Alpha. OK. Les noirs. Parce que ta couleur préférée, c'est les noirs. Moi aussi. Toi? Moi, non, moi, je joue pas vraiment. Non, je joue pas à Magic, non. OK. Non, bon, ben, il n'y a aucun des membres de l'équipe Fusée qui joue à Magic. C'est quelque chose de très négatif que j'apprends présentement. J'étais sûr, moi, que vous aviez le profil. Bon, ben, l'entrevue est finie. On vous souhaite bonne chance en finale samedi prochain. À moins que je vous laisse le mot de la fin. Là. Allez-y comme vous le sentez. Le mot de la fin, Fusée. Fusée. Équipe Fusée, faites-nous le speech aussi, là. Oh, Seigneur, on s'est apparu. Ah, bah, ils sont motivés, hein, ça peut se tirer. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de protéger le douteux de la dévastation. Afin de. C'est quoi après? afin de dégoûter l'ensemble de la voie. Afin de dégoûter l'ensemble de la voie lactée. Non, attends, on a sauté un. Ah oui, afin de vous faire aspirer à l'inucléation. Écoute, j'ai appris que j'allais être ici pour 10 minutes. Là. Donc voilà. Merci, messieurs. De toute façon, on n'a pas PJ qui veut exploser. Samedi non, prochain, c'est la finale. Il y a 8 équipes qui ont été choisies. L'équipe Fusée en fait partie. Il y en a, je veux pas l'oublier. Fait que eux autres se sont déplacés pour ici d'asseoir. C'est au Monument National dans le cadre du ZooFest. C'est samedi soir prochain à 22h. Cette fois-ci, on a un show de 2h qui s'en vient pour vous. Voilà. Merci à vous autres. Juste un dernier message. Si jamais il y en a qui pensent ne pas être là, dites-vous que l'équipe Fusée est capable de venir vous hanter dans vos rêves. Et pensez-y. Bon. Tout okay, puissant. Okay. Tout puissant. Je sais qu'il hante déjà mes rêves, fait que... C'est dit. Je me réveille à 4h du matin avec des sueurs froides. Pas moi. Aidez-moi. Mon équipe Fusée. Si on gagne, il me laisse aller en solo. S'il vous plaît. Venez voter pour moi. L'équipe va fractionner. Juste une dernière petite affaire, on s'est déjà fait dire qu'on était la seule équipe qui faisait plus de trash talk envers les autres membres de l'équipe que envers les autres équipes. C'est vrai. C'est ce qui fait notre c'est pour charme, ça qu'on est notre charme. Ouais, notre charme, ouais, c'est pour ça qu'on est unique. On est consistant. Et voilà, c'est dit. Là-dessus, on écoute un petit dernier clip des Pile-Poil et on va avoir Simon Portalance en studio pour une petite entrevue. Et puis, ben, on arrive aux mains, hein? On vient de finir avec le orange. C'est de toute beauté. Ah, il y a vraiment du glitter dans le milieu. Ah, je vais me faire cruiser dans le quartier. Moi, ça va être de toute beauté. Merci, messieurs. Et donc... Cet automne à ICI ou bien la Radio-Canada, télévision 4 saisons, HD 32 pouces ou quelque chose de même, ne manquez pas le retour de vos émissions favorites. Non, les coupures ne nous ont pas tués, elles nous ont rendus plus forts. À ICI Radio-Canada, le 3D ça coûte trop cher, mais ne vous en faites pas, Gérard Delaflac sera aussi de retour. Et Dieu créa la flaque. Texte de Dominique et Martin. Mesdames, messieurs, bonsoir. En manchette ce soir, le prix du pétrole a encore augmenté. On est-tu tanné rien qu'un peu, bâtard? Pour en parler, on reçoit le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard du Parti libéral. Bonsoir, M. Couillard. Bonsoir, M. Laflaque. Alors, M. Couillard, j'aimerais faire un petit sondage maison, là. Est-ce que vous êtes concerné par les changements climatiques? Non. Saviez-vous, M. Couillard, que selon un sondage, 70 % des Québécois sont concernés par les changements climatiques? M. Couillard? Bien sûr, c'est important pour nous. Dites-moi donc pourquoi que le prix du pétrole est encore augmenté, bâtard? C'est pour sensibiliser la population à l'environnement. Prenez-moi, par exemple, j'utilise beaucoup moins souvent mon Hummer depuis la hausse. Ah ouais? Me semble aussi que j'ai la misère à voir dans une fit, t'sais, à la grosseur que vous avez. Ben là, Dominique, t'es pas fin, là! Oh! C'était la joke de gros de trop de Dominique et Martin! Ne manquez surtout pas l'ultime saison de la série policière 19-2. Oh, tabarnak! Hey, arrête donc! Tu sacs comme un chartier. Ouais. Tu te trouves ben rough, hein? Ben rough. Attention à toutes les unités. On a un suspect quelque part dans la ville de Montréal. 19-2, on le prend. Je meurs! Ouais, ben en tout cas, Chartier, c'est vraiment pas tout le monde qui pourrait être policier à la ville de Montréal, hein? Ah, ça, tu peux dire! Montréal! Ah là là là là! Si je regarde ça comme il faut, là, ça veut dire, Simon, qu'on est comme un petit peu collègues, parce qu'on a été sur le trouble voie, nous aussi. Ah oui? Ben oui. Je vais me placer de même, on va tricher, on va faire des jeux de perception pour que ça fitte bien dans le Kodak. Ouais, on est collègues, à quelque part, ouais. À quelque part, puis... On savait même pas. Toujours fan de Francis Reddy? Ah, ça a pas changé, la toune est encore en préparation, on va faire de quoi avec ça bientôt. Faire de quoi? Ah oui, un vidéoclip. C'est comme des menaces. C'est dans les projets. Ah, Francis. Et puis, sinon, parle-moi de toi. Là. Ça fait quoi? Ça fait quand même 3-4 mois que tu es venu nous voir. À peu près. Depuis justement que je suis venu nous voir, j'ai fondé Les Pile-Poils avec le magnifique David Morin et sa barbe, ainsi que mon frère Mathieu Portelance. Hein? On porte le même nom de famille. De Portelances? C'est parce qu'on est sortis de la même mère, imagine-toi mais donc. Et voilà, ça, tout se tient. Mais oui, d'habitude, c'est le même père, hein? C'est le nom de famille. Le père, ouais, mais tu sais, on n'est pas sorti du père, on est sorti de la mère, tu sais, ça rentre pas un père. En tout cas, vous êtes frères. On est frères. Et voilà, c'est réglé. On se retrouve, là, on a déjà fait des trucs quand on était plus jeune, là, bon, on est comme David, j'ai déjà travaillé aussi avant, fait que là, c'est comme un power trio, tu sais, puis c'est vraiment efficace à l'écriture, à la réalisation, dans tout. Ah, c'est cool. Puis on est sur Trouble Voir depuis avril, puis c'est le fun, on fait des capsules de temps en temps. Le style, ça ressemble, comme vous avez vu un peu, là, mélanger les Chicken Swell avec Rock et Belles Oreilles, puis mettons, trois jeunes de 18 à 21 ans, puis ça donne ce que vous avez vu, c'est vraiment capoté. Il est content. Et puis sinon, c'est quoi qui se passe, là? Tu m'as parlé du festival Internet. Oui, oui, il y a le festival d'Internet à Alma qui se passe les 22-23 août. En fait, ça s'est organisé par Joël Martel puis Julien D, qui justement est un peu le boss du trouble voir, si on peut dire. Là, ils ont fait un festival de l'Internet. Puis parmi le festival de l'Internet, il va y avoir un espèce de gala, ouais, il va y avoir des trophées puis tout. Pis on est dans la catégorie révélation de l'année. Fait qu'on est super contents de ça. On s'attend pas à gagner. On est quand même contre l'Internet puis contre vivre en marge, tu sais, des affaires quand même plus regardées que nous autres, mais tu sais, déjà d'être nominé, on est bien content, on va rencontrer plein de monde. D'ailleurs, je vous invite à venir au Festival de l'Internet à la maison, ça va être vraiment capoté. Ça va être capoté. Ouais, on capoté. Adore ça, en plus, cet adjectif-là. Voilà, on est dans le rouge et le mauve. Ben, continue, là, parle-moi de toi et de tes projets encore. Là, ben, on a fait plusieurs capsules, puis c'était vraiment le fun. Ben là, en fin de semaine, on a tourné quelque chose, hein, ben oui, à Longueuil, une parodie d'un vidéoclip dont je ne nommerai pas le nom, mais on a eu des invités spéciales. Brumes de ta bouche, là. Non, malheureusement, ça, c'est le prochain. Éric Lapointe, prochain. Hein, il vient de leaker le deuxième prochain vidéoclip, parce qu'on fait des vidéoclips des fois. Puis c'est ça, on a tourné avec le même acteur que dans le vidéoclip original. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Concept. Mais on va garder la... Bon, OK, je vais le dire. Ben oui, dis-le en primeur. On va le dire, c'est une parodie d'Extérieur, Savant Fou. Puis on est allé chercher Simon Payton qui jouait le Savant Fou dans le clip original. Mais on n'en dira pas plus pour brûler de punch, parce qu'il y a plein de gags là-dedans puis plein de références. C'est complètement débile. À Longueuil, en plus. À Longueuil, on a fait une... Non, ça, je peux pas le dire. Ça va gâcher la surprise, parce que c'est quand même un sujet intéressant. Ce qui se passe à Longueuil reste à Longueuil. Ben, c'est gentil d'être revenu nous voir à 70%. Puis, après, on va repasser un jour, c'est ça. Ben oui, puis invitez-moi donc à faire un clip avec vous autres. Ben, d'aplomb, ça va se faire. La prochaine fois qu'on descend à Montréal, un clip avec Tommy Godet, ça va être complètement débile. On a une primeur, la gang. C'est fait. Puis la prochaine fois, je vais essayer d'amener mes deux autres faire un petit trip à Et trois. Puis, qu'est-ce qui te met le plus mal à l'aise à propos de mon t-shirt? Hey, c'est difficile. Hein? Je sais pas, hein, la boucle d'oreille, c'est assez... qui est droite sur ton épaule en plus. Ouais, hein? C'est assez malaisant, merci. Le fait que la petite fille a un collier de chienne. Ouais. Ouais, ça aussi, c'est malaise. Ben, déjà que t'as une petite fille sur ton chandail, je sais pas, hein. J'ai comme des flashbacks de Jeff Harrison, pis Gabrois, pis Guy Cloutier, pis toute cette gang de fuckers. Gabrois. C'est pas des tatons qu'elle a, c'est des tatous qu'on dit. Ah! Ben, pourtant, c'est tellement pareil, c'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre, ça me va. Bon, ben, merci beaucoup, Simon. Bon, au plaisir. Je te laisse-tu le mot de la fin en regardant la caméra, pis vas-y, on sait que tu joues pas à Magic anyway. Ouais, ça, je te l'ai déjà dit, mais je te promets de le faire d'ici la prochaine fois que je reviens. Et voilà, on va terminer ça sur le mot suivant. Concombre. Excellent. Ça peut remplacer un zucchini n'importe quand. Ça va écouter Lettre du secondaire de Simon Préjean. Merci, Simon. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est le temps de la lettre de la semaine, parce que moi, j'ai tout gardé mes lettres secondaires, et chaque semaine, je le pige dans mon bol de eggnog, et cette semaine, à quoi ça va ressembler, j'en regarde pas, et j'en pogne une, je pogne celle-là. Elle est drôlement pliée, c'est peut-être moi qui l'avais pliée tout croche. Bon, encore une personnelle, donc, on a une autre personne, dans un nouvel auteur. Donc, c'est écrit « C'est un peu personnel » à Simon de Sarah. Plié encore classique, mais un peu bouffi. Donc, est-ce qu'il y a? Il a l'air d'avoir du stock. Je sens qu'elle va être longue cette semaine. Donc, je vais essayer de faire ça vite. OK, c'est parce qu'il y a deux pages. Mais écrit à double interligne juste d'un côté. Ça va bien se faire. On y va. On se lance. OK. Oh, on a la date, 23 octobre 1996. Salut le petit, entre parenthèses, joke. Ça va dans ton bout. Moi, pas pire, je m'excuse pour tout à l'heure, j'ai pas fait exprès. Ben, on va dire. Bon, ce que je veux dire, c'est que je voulais pas faire ça, puis je m'excuse vraiment. Je sais, c'est chiant. Donc, elle m'a peut-être traité de petit, je sais pas. Ha ha ha, le prof vient juste de te gueuler. C'est pas nouveau. Bon, anyways, je suis contente que tu m'aies pardonné. Tu sais, c'est un honneur d'être ton ami. Ah, juste, OK, on enchaîne. Ah oui, tu sais, ton friend Steve, ben, il était là. Bibliothèque. Je pense que c'est ça son nom. OK, Steve. Boy, t'es chanceux. Julie t'aime encore, mais je comprends pas. Elle te fait full chier. Ouais, elle te fait full chier, puis elle t'aime. Ben moi, tout, je te fais chier, mais j'ai pas vraiment voulu ça. Ok, je sais pas ce qu'elle m'a fait comme coup chien, mais peut-être qu'on va te découvrir dans une autre lettre, on verra. Pis je t'aime bien, oui, je t'aime, mais juste comme ami. Parce qu'à cet âge-là, fallait toujours préciser, hein. C'est ça, ah oui, j'ai écrit full vite, parce que si tu comprends pas, moi, les, dis-moi les, en tout cas. Je comprends, mais pas 15, 20 ans plus tard, là, non, pas, je sais pas. Pis dans les amours, comment ça va? Moi, c'est l'enfer, mais y a un gars que je trouve cute, mais je te dis pas c'est qui, car il se tient avec toi. Ben, change pas, car t'es full hot, pis ce serait ben hot que tu m'écrives. Ben, je vais te laisser, car on est en English, pis je ne voudrais pas me faire pogner, hein? Yo, avec un cœur, Sarah, ta friend, j'espère, trois petits becs, ben oui, tu vas être mon ami pour la vie. C'est Sarah qui, déjà? Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. C'est chaque samedi soir dans le cadre du Zoufest. On a besoin de votre vote pour empêcher la galaxie Beta de venir prendre le contrôle de notre belle planète. Merci. Désolé. On va l'avoir la prochaine fois. Hey, salut Tommy. Puis? Ben, je sais pas pourquoi j'ai ça dans les mains. Ouais, le poulet bâton, ouais. C'est lui que tout le monde aime. Le poulet bâton, c'est la nouvelle affaire chez Scores. 17,85 l'assiette, hey, choix de petite salade. Je te sens plus léger, je te regarde, t'as l'air plus léger. Ouais, ouais, ben ça va bien, j'ai perdu un certain poids, quelques milligrammes en fait, cette semaine. Ouais, ouais. Ton âme? Non, Tommy. En fait, c'est un sujet plutôt sensible. Je sais pas si... Là, c'est sûr, je te parlerai pas du conflit israélo-palestinien, là. Hein? On est tanné un petit peu. C'est ça. Ouais. Je voudrais pas non plus qu'une bombe toc-toc vienne cogner à ma porte. Hein? qui sait, non, mais c'est... Qui sait quel boom économique elle me proposera, Tommy? Effectivement. C'est trop dangereux. Je voudrais pas. Je parlerai pas non plus de la charte des valeurs québécoises. Hein? D'ailleurs, qui s'en souvient? C'est ça, ça existe plus. C'est plus un vague épisode digressif aux accents patibulaires mettant en scène moult bamboches, tartarins et rustres. Hein? Ça me va. Ouais, mon père, il disait, dans l'incapacité de se faire entendre, tu te défoules celui-là qui n'a pas de dictionnaire. c'est comme ça. Je réglerai aucun problème de société aujourd'hui, là, Tommy. Là. Je vais te parler plutôt de la souffrance. Hein? Ah ouais, hein? Mais pas n'importe quelle souffrance, celle qui fait mal. Patard. Voilà. pas un petit mal non plus là, tu sais, pas un mal genre je me suis cassé un bras ou quand j'avais 5 ans, j'ai perdu mes parents dans un incendie où je suis morte. Non, non, non, tu sais. Toi tu parles de vraie souffrance. Une vraie souffrance, Tommy, hein. Tu sais, une souffrance qui a clairement sa place à l'échelle de Richter, hein. Un mal qui engendre des dizaines de milliers de fonds de pension chaque année. Tommy, je te parle du mal de dents. Le mal de dents. Ouais, voilà. On l'a tous déjà rencontré, lui. Ouais, ouais. Il se terre. Ceux qui l'ont vécu vous le diront, hein, un cœur de soleil qui essaye de te sortir de la mâchoire en étant propulsé par un volcan. Fait que certainement moins mal hein, qu'une molaire maxillaire supérieure droite en pleine phase 5 de la classification de Baum, Tommy. La classification de Baum. Ouais, voilà. Bon, ben pour les autres, vous pouvez bien manger de la crise de marde, mais pour ceux que ça intéresse, la dent est principalement constituée de trois choses. Je sais pas si on peut voir à l'écran cette dent. Oui, avec plaisir. Voilà, il y a la pulpe. En fait, hein, la partie la plus interne de la dent, je sais pas si on la voit. On la voit. Okay. Il y a même la chambre pulpaire. Voilà, la partie plus interne constituée là, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, Tommy, et de nerfs. Hein. Tout ça, là, par synthétisation de cellules odontoblastes, va servir à la création de la deuxième partie de la dent, soit la dentine. Je sais pas si on peut voir la dentine. On voit ça, oui, c'est comme la couche par-dessus, ça. C'est voilà. Solide, la voilà. Non, ça, c'est plutôt, en fait, mou, paraîtrait. Paraîtrait que c'est mou, ouais. Et jaunâtre, hein, telle une gomme au citron. Ou les dents d'un fumeur. Ou aussi, les dents d'un fumeur. Constitué de 10% d'eau, 20% de matière organique, et tiens-toi bien, Tommy, d'hydroxyapatite à 70%. 70%, on aime ça. Voilà. Hydroxyapatite. Ouais, hydroxyapatite. Voilà. 10, 20, 70, hein, paraîtrait que c'était la combinaison de cadenas la plus populaire en biologie au cégep. Mmh. Voilà. Petite information comme ça pour ceux hein, qui s'en crissent pas. non, mais c'est vrai. Ouais, je t'ai... Mon père, il disait, la société, c'est comme la dentine. 10% qui gère, 20% qui pense qu'il gère, 70% qui génère, Tommy. Puis il avait raison. Mais, hein, on capotera pas non plus avec ça, là, hein. L'hydroxyapatite, Tommy, c'est du phosphate de sodium, hein. Ah oui. Puis du phosphate de sodium, c'est quoi? Du sel. Bon, hein. Toutes les cellules de nos corps baignent dans une solution saline. On achète ça au kilo dépanneur, hein. Tout va bien. On est salé. Ouais. Hein? On n'en manquera pas, hein? Comme disaient les gens qui coupaient les arbres sur l'île de Pâques. anyway. La dentine, c'est ça. Plus grosse partie de la dent, aussi appelée ivoire, hein, Tommy? Oui. Et ça, c'est la partie vivante du truc, là. C'est la chose qui est vivante. Et ça, c'est pas pour aider la cause de ceux qui volent l'ivoire, Tommy. Que la dent soit vivante. Voilà, je des choses au clair à ce 60%. Par-dessus la dentine, il y a la dernière et non la moindre étape, c'est-à-dire l'émail. Ouais. Ça, c'est une partie visible de l'organe dentaire. Hein? À 96% minéral, le reste en tissu organique puis en eau, hein, ça brille, c'est pratique, de la crisse de bel job, si tu t'en occupes, bien et sûr. Oui. Et voilà, faut que tu t'en occupes. Moi, pulpe nécrosée, Tommy. Pulpe nécrosée. Ah oui, on voit là le pulpe, ouais, c'est ouais. À l'intérieur, là. Oui. De ce fait, hein, infection de la dentine radiculaire. Attention. Ce qui signifie, traitement canalaire antiseptique, hein, suivi bien sûr d'une banale obturation hermétique de routine, mais la question n'est pas là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand on me dit « Ah ouais, un mal de dents, moi hier j'ai accouché de trois belles petites filles », je me demande en crise qu'est-ce que je vais foutre à raconter ma vie l'après-midi dans les hôpitaux, Tommy. Alors, je sais, le hashtag, le bénévolat, c'est important, Tommy. C'est vrai. Le bénévolat, contrairement au mal de dents, va certainement, c'est certainement ce qui a sauvé, sauve et sauvera l'humanité, hein, Tommy? Et ça, mon avocat me l'a dit, là. Tu sais, il m'a dit, tu sais, mon homme, eux, tes aides à se sentir mieux, puis toi, tu fais tes heures de travaux communautaires. C'est un hostie de bon deal pour une accusation d'agression armée avec lésion corporelle. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est ce qu'il m'a dit, Tommy. En fait, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai compris, parce que lui, écoute, il était juste là en train de mûrir en attendant que je le crisse dans une guacamole, tu sais. Et voilà, c'est ton avocat. Il est là. On a souvent entendu parler, c'est la première fois qu'on le voit. Je sais pas si je peux te le montrer. Ouais, on le voit voilà. Très bien, on voit c'est ton ça. Avocat. Je l'avoue, j'étais trop occupé à ne pas m'aimer, Tommy, hein, et j'ai négligé mes dents. Bon, voilà. Non, j'avoue, je suis comme ça, moi. Cigarette, café, fast-food, puis j'en passe en tabarnak. Aujourd'hui, hein, même avec un bon brossage, la soie dentaire, toutes les nouvelles bébelles qu'ils inventent pour me fouiller où ma mauvaise hygiène a gagné. J'ai mal aux dents, Tom. C'est une con, ce phrase-là. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça con quand j'ai écrit. En terminant, parce que, tu sais, c'est comme ça, j'ai décidé quand même de m'aimer, hein. Ce qui m'oblige à détester quelque chose, hein. Pour l'équilibre, c'est important. Ce n'est pas personnel, hein. À date. C'est nécessaire. Ouais, je comprends. À date. Chose qui crée de l'acidité dans ma bouche, engendrant une douleur sans mots. Sucre. Je ne renie pas nos plaisirs passés. Mais les choix que j'ai faits m'ont conduit à te dire aujourd'hui. Tu dois partir. Sucre, tu dois partir. La route est longue. Tiens, prends cet avocat. Il te protégera. Merci beaucoup, Mathieu. On revient avec la météo, avec Chantal. Non, on revient avec Jean-Sébastien Godette. Je pense qu'il va parler de Kraftwerk. T'es génial. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. On est vraiment sur le coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine avec Anne-Sophie Carpentier qui est dans la rue. Attention, moi, c'est un peu dangereux. Ben oui, on va se mettre sur le trottoir un petit peu. On va être sécuritaire, Anne-Sophie. C'est rien de plus urbain que pour parler de la chronique urbaine avec toi aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Moi, j'ai des suggestions de sorties parce que là, c'est ZooFest en ce moment à Montréal. Ben oui. Il se passe plein de trucs. La ville est un peu folle. Puis si vous allez à ZooFest, vous êtes dans le quartier, il y a des spectacles ici un samedi soir. Il est un peu tard. Il est 11h30, par exemple. Surtout ici, ça brasse à 11h. C'est ça. Alors moi, je vous suggère une soirée qui s'appelle la colique. Alors la colique... Avec l'accent, il faut le dire comme ça. La colique. La colique. Alors comme ça le dit, ben, c'est des soirées un peu malcommodes. En fait, c'est des combats audiovisuels de la Ligue internationale des collectionneurs de clips. Alors qu'est-ce que c'est sérieux, ça? C'est sérieux, ça, là. Oui, c'est très, très sérieux. C'est international, c'est professionnel. Fait que c'est des gens qui adorent les clips, les clips un peu douteux. Et en fait, c'est des combats de clips sur écran géant qui se passe ici au Monument National, au studio Hydro-Québec. Fait que ça se passe à 11h30 le soir. Puis en fait, c'est comme des duels de clips de 3 minutes. Alors, les participants à ces clips-là vont préparer des vidéos. Et puis, c'est une compétition. Alors, chaque samedi soir du mois de juillet, puis la finale le 2 août. Mais c'est pas comme un YouTube battle, là? Ça ressemble beaucoup à un YouTube battle. Alors, mais là, c'est un petit peu plus complexe dans le montage. Un YouTube battle, ça va plus être des clips qui vont être collés un à la suite de l'autre. Puis chacun va y aller avec ses clips qu'ils ont préparés. Là, il y a vraiment un montage audiovisuel un peu plus complexe. Les gens, évidemment, vont piger dans des films de série B, un peu rigolo parce que c'est tellement tellement un peu malsain que ça devient drôle ouais. ou dans des vieilles publicités, mais ils vont aussi créer beaucoup beaucoup de contenu original. C'est ça qui m'a vraiment surpris dans ces batailles là, dans ces combats. T'as assisté à la première oui, la c'est ça dernière. Exactement. Fait que la première avait lieu samedi dernier, puis il en reste encore deux autres. Alors ça c'est les semi-finales et puis il y a la grande finale de où alors ils préparent c'est ça du contenu audiovisuel comme ça et puis ils présentent au public en duel et puis le public peut voter après chacune des présentations vidéo et puis il y a aussi un jury qui est composé de trois personnes, souvent des humoristes ou des gens du milieu de l'humour et quelqu'un. Il y a un jury, donc c'est très sérieux là. Ah, ouais. La calique. Puis la calique, c'est vraiment festif, c'est une compétition de clips, mais tout ça c'est vraiment enveloppé dans une atmosphère de lutte professionnelle. Alors il y a une. C'est-à-dire qu'il y a des costumes, des masques et tout là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un animateur qui s'appelle Toto Lavigne. Chacun des participants va se déguiser, avoir beaucoup d'attitude, être très très flamboyant. Il y en a qui sont habillés en clown. Il y avait un des compétiteurs qui était très très drôle, qui s'appelle Chantal Plouc. Il y avait comme une espèce de grande cape avec un truc qui lui recouvrait la tête, puis il hurlait son propre nom, il hurlait Chantal. Et puis mais ça, c'est comme des interludes oui, alors, entre les présentations. Entre les présentations, okay. On est vraiment comme à la lutte américaine à la télévision. Alors il y a vraiment beaucoup d'action sur scène. Le public vote, peut s'exprimer. Le public doit s'enflammer là avec une. Oui, c'est ça. Fait que l'atmosphère est pas mal bonne. Tout à fait. Oui. C'est tard, ça, non? C'est à 11h30. Et puis, c'est organisé par douteux.org, le même organisme à but non lucratif, là, maintenant, qui organise des projections de films douteux au brouhaha depuis 2007. Alors, c'est vraiment, on est vraiment dans la sous-culture du clip, où plus c'est mauvais, où plus c'est douteux, plus ça devient drôle involontairement. Ouais. Alors, on adore ça. Fait que c'est vraiment très, très drôle. Ça se passe, c'est ça ici, au Monument National, au Studio Hydro-Québec. Et parce qu'il n'y a aucune limite de contenu, aucune limite de sujet ou de thématique, et puis parce qu'on peut boire de l'alcool aussi, c'est des soirées qui sont 18 ans et plus. Alors, il faut le savoir, il ne faut pas amener sa famille. Ben, 23h30 déjà. Bon. Oui, c'est ça. Ça élimine. Donc, il reste quelques semaines dans le cadre du ZooFest. Et parlant du ZooFest, oui! But the reality couldn't be further from the truth. Je souffre de bénitonite mussolinienne. Ouais. Je suis pas fasciste, là, même avec le t-shirt avec une tête de mort, là, ça en fait pas. Hein. C'est juste pour réfléchir et observer que je fais ça. Ah ben oui, t'es notre Jean-Sébastien préféré. Hey, salut, facho dans le très content de te revoir, man. Salut tout le monde. Salut. Ben salut Tommy. Quoi de neuf depuis qu'on s'est vu il y a 10 minutes? Ah, ça a brossé en esti. T'as vu, j'ai une consultante en acquisition. J'ai eu des réalisateurs, mon gars. C'était une grosse soirée à TV. Pas mal de grosses soirées. Ben oui, ben oui. Ben content de t'avoir avec nous. T'étais t'étais supposé nous envoyer une affaire à distance parce que toi, t'habites quand même assez loin. Donc là, tu nous ferais un dossier spécial sur... Sur trois choses très brèves, Kraftwerk pour commencer, et l'Italo-Disco et la NDW. Ce que tu m'avais proposé de faire la chronique à la base. De... Le Neue Deutsche Welle, ou la nouvelle vague allemande dans les années fin 70, début 80. Et voilà. Bon, fait que c'est ça, on va commencer. Ah ben c'est ça, je voulais te dire, ben je suis allé au marché aux puces Saint-Eustache, oui, en fin de semaine. Oh yeah! Ouais, apparemment, ce serait le plus gros de nos marchés aux puces au Québec. Ouais, hein? Ouais c'est bien grand aussi, ça. C'était bien le fun, j'ai eu bien du fun, puis je suis sorti de là avec Killer Instinct Gold, hein, un des grands jeux du N64, et un beau coup de soleil, hein, c'est super. Bon, sa journée là, je comprends. Ben ouais, on avait le regard brûlant. C'est ça. Oh, fait que elle est là. La première première vidéo. Ah ben t'as un petit peu, je te passe. Parce que j'ai une question à vous poser. Sonic. Hii, tu commences. Oh. Donc si je vous dis Robotnik et que je vous pose la question, c'est quoi qui joue présentement? La toune, je la connais pas, mais la face, on la reconnaît. Là. C'est celui qui vole des petits animaux de la forêt pour faire chier l'autre qui court vite avec des souliers rouges. Et la musique, vous pensez que c'est quoi? Du 8 bits, là. La musique 8 bits, 16 bits? Ouais, ouais. Eh bien non, c'est de l'Italo-Disco. Oui, monsieur. L'Italo. Oui, j'aime bien le riff, là. Et c'est Alexander Robotnik qui a fait la toune Les Voyages de l'amour. Ah, c'est ouais, pas mal même. Tu vas là. Ouais. Ah. ça éclaire les affaires. Dit que ça, c'était hors. Je voulais vous mettre en erreur. Tu sais, je voulais vous faire en erreur un petit peu avec la photo du docteur Robotnik. Hein? Ben, en même temps, si on avait dit Robotnik, on gagnait. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, fait que, ben, c'est ça. On va parler d'Italo Disco. Suite à ma visite au marché aux puces, mon coup de soleil et Killer Instinct, je me suis dit quoi de mieux qu'une chronique avec un survol très bref sur le groupe allemand Kraftwerk et les pionniers d'électro moderne. Ça n'a pas rapport, mais bon. Ben, ça, ouais. Ainsi que des introductions également très brèves. Oups. Très brève dans l'univers de la Neue Deutsche Welle, ou NDW, qui signifie Nouvelle Vague Allemande, suite à Kraftwerk, ainsi que l'univers de l'Italo Disco, suite à l'homme à la fameuse moustache de ma première chronique, Giorgio Moroder. Hashtag l'époque où les Allemands et les Italiens ont envahi nos berges dans les années 80. La seule fois qu'ils ont réussi, ils l'ont réussi comme faut parce qu'ils étaient très présents. Ouais. Cette fois sur ma chronique, on va se la couler douce, bien chill et casual en mode 70% ne touchant que la surface des sujets. Alors débutons avec Kraftwerk, que pas mal de gens connaissent de nos jours, nul doute. Moi, ça fait une vingtaine d'années à travers des documentaires au début que j'ai connu ça, surtout sur l'histoire de l'électro et du hip-hop. Donc, je vais abréger beaucoup. Ils sont les pionniers de la musique électro-moderne, du hip-hop à un certain niveau. Au début, selon ses acteurs principaux, DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa et Grandmaster Flash. Et bien sûr, ils ont une influence assez, incontournable dans la pop moderne. Bien sûr, il y a eu bien d'autres qui faisaient de la musique, la musique électronique avant eux. Et des samplings aussi. Il y a des trucs qui remontent aussi loin que les années 30, de ce que je me souviens. Mais c'était très expérimental, trop atmosphérique et pas dansable du tout, hein, jusqu'aux années 50. Mais vers la fin des années 60, ça commençait à être des groupes électro. Tangerine Dream, les frères Phoebe, c'est des Allemands aussi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Au lieu d'un ingénieur seul en studio, hein, avec un ordi géant et un synthé géant, la miniaturisation des synthés commençait. Et là, il y a des groupes de krautrock allemand, c'est du progressif des années 60 qui débutait. Et ils ont migré, justement, Kraftwerk et le groupe Neu, ils ont migré vers la musique électro de plus en plus, au point d'en devenir un groupe complètement électro. Ils ont rendu ça plus accessible, plus mainstream, et ont inspiré d'autres gens à faire des trucs similaires. Kraftwerk, là tu pourrais peut-être mettre la photo parce que ça va être drôle. Kraftwerk décide même de changer radicalement leur look hippie du temps pour être différent des autres. Avec un look de straight, digne des jeunes fils de nazis, selon leur propre dire. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur Kraftwerk, ben allez sur Wikipédia, poudon. Hein. C'est vraiment un groupe qui est le fun à creuser. C'est ça, aussi. C'est juste, il y a tellement d'informations sur eux autres que j'ai pas besoin d'aller trop loin. Mais je veux dire, c'est important de signifier que c'est la première fois sur la photo que tu nous as amenée que je les vois sourire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, les quatre j'ai vu ensemble, ça à Noël, là, ça, puis ouais. J'ai l'air... J'ai pris la photo, j'ai dit... Ils ont dit qu'ils font peur. Ouais. Ils sont assez froids d'habitude. Oui, c'est ça. Bon, ben la NDW, c'est un terme qui englobe toute une période de la fin des années 70 jusqu'au milieu 80 dans les pays germanophones. Parfois, c'est punk, d'autres fois, c'est new wave. C'est très engagé avec des textes sur le climat social de fin du monde nucléaire de la guerre froide hein, qui régnait à l'époque et l'épidémie d'héroïnomane qui prévalait en Allemagne au même temps. Ouais, c'est ça, Christina F., exactement. Ouais. Bref, la déprime et les excès est à la norme. Hein. Là-bas, ça a l'air que ça brassait pas mal en Allemagne. Il l'avait coupé en deux aussi, là. Ça doit pas être la meilleure manière ben, pour établir plus, un climat social sur, comme la rue. Il vivait exactement sur la ligne qui divisait le monde. Hein, OK, ouais. Fait qu'il était très, très anxieux de qu'est-ce qui va leur arriver un jour. Hein. Mais sinon, la NDW, c'est aussi de la musique joyeuse, hein, voire ridicule, qui fait exprès pour oublier les malheurs de la vie. Il y a souvent de la musique électro, parfois à 100% électro, mais plus souvent, ce sont des groupes avec des éléments électro à travers. Il y a même de la NDW spécifiquement Schlager, comme ils disent là-bas, ou Kitsch, comme on dit ici. Bref, de la musique de variété pop. C'est pas mal. Schlager, j'aime ça. C'est pas mal ce qu'il y avait avant le NDW, mais ils ont réussi à mettre ça plus pop, l'NDW, c'est ça. Ce qui caractérise ce genre est qu'une grande majorité des groupes NDW chantent uniquement en allemand, hein, comme le groupe suisse Gros Ondes de Stéphane Escher, qui nous ont donné la chanson Iceberg dans les années 80, que bien des gens sur le groupe de douteux Facebook et 70% ont aimé en décembre 2013, quand je les ai fait découvrir. C'est souvent de la musique très avant-gardiste et bizarre pour le temps, et même encore aujourd'hui dans certains cas. Certains se sont inspirés par l'expressionnisme allemand, surtout le cinéma expressionniste du début du 20e siècle. On parle de Nosferatu, Metropolis, Dr. Caligari, etc. Autant pour les côtés visuels que pour des sonorités étranges. Pour les néophytes, pensez aux personnages et aux visuels et les décors dans les films de Tim Burton. Hein. Ça, c'est très expressionniste. Exactement, moderne, oui, total. Sauf que pour la NDW, il s'agit de groupes musicaux. Les groupes NDW sont classés en deux catégories, l'underground qui va de punk à industriel et la pop qui va dans tous les sens. Les deux plus grands noms de la NDW pop connus de la masse à travers le monde sont Nina, hein? Tu pourrais peut-être mettre la première vidéo de Nina. Nina, bien sûr. Qui nous a donné le groupe Nina, qui nous ont donné la chanson 99 Red Balloons, hein, que tout le monde entend. Une métaphore des missiles qui montaient, ça, ben c'est ça, ça parle de la guerre et tout. Si pendant un concert, il y a le guitariste qui avait été voir Pink Floyd, puis il y avait des ballons qui partaient, puis il s'était dit, qu'est-ce qui arriverait si les Soviétiques voyaient les ballons débarquer de l'autre bord de la ligne? Est-ce que ça partirait la guerre? Puis la chanson traite de ça et voilà. Tout le long, tu sais. C'est ça. Là, on a ici la jolie Nina. Hein, ben oui, il y a de quoi faire en sapristi. Moi, je vais en parler. Je vais en reparler ultérieurement, mais là, je vais juste jouer cette chanson-là un petit peu, puis on va passer tout de suite à l'autre. Il s'agit de Falco, hein, l'autre grand nom de la NDW Mainstream, qui, selon Wikipédia et les Billboards, serait le plus gros vendeur de langue germanique de tous les temps. Falco, oh, ouais. J'ai pas de bizarre à créer ça. Il y a trois gros hits. Sauf peut-être, mettons, Beethoven ou Mozart. Ça, on va très loin. Je dirais que Rammstein, d'ici 20 ans, ils vont peut-être dépasser. Peut-être dépasser Falco, mais c'est un petit peu moins accessible, exactement. Falco, tout le monde connaît ses tunes. Oui, Rock Me Amadeus. Les Simpsons ont fait Rock Me Dr. Seuss, puis Der Kommissar, ça a été appris par je sais pas combien de personnes la même année que la chanson de Falco est sortie. D'ailleurs, il y a un groupe anglais un groupe Christian Rock, tu m'avais dit, qui avait repris Der Kommissar. Je me souviens plus de deux noms. Ah oui, c'est. Anglais, c'est parti. Bon, Into the Fire. Ouais, je pense que c'est Into the Fire, la bande. En tout cas, il y a eu des versions rap aux États-Unis, il y en a eu partout. Il y a même deux versions françaises, je me souviens bien, de la France, de Der Kommissar. Fait que le hit de l'année 81, c'est-à-dire c'était Der Kommissar à travers le monde. Fait que c'est ça, je reviendrai sur eux autres dans une autre chronique. Maintenant, on saute direct dans l'Italo disco. Au début de l'ère disco, ce n'est que du disco classique d'Italie, hein, qui sonne comme le disco des États-Unis. Mais après Giorgio Moroder en 78, lui aussi, il influence tout son pays à utiliser des synthétiseurs, des séquenceurs, des drums électroniques, ce qui fait que ça sonne pas comme du disco, hein. C'est plus du new wave, du synth-pop, plus proche de la musique, comme je disais tantôt, 8-bit, 16-bit classique, qui arrivera des années plus tard quand les consoles l'ont permis. Parce que, bon, les Atari, il n'y avait pas de la grande musique là-dessus, là, on s'entend. Là, ça a pris le Nintendo puis le Commodore 64, peut-être. Là. Ça a un son très particulier, cette musique. Des belles mélodies, ça se danse bien. Éventuellement, ça devient tellement populaire, hein, que même dans le milieu hip-hop, breakdance, l'Italo disco est incontournable. Ce sont les Italiens qui font les meilleures chansons et les préférées des breakdancers. J'ai amené un clip de breakdance qu'on pourra peut-être jouer tantôt à la fin, si tu as du temps, si le temps le permet. C'est Breakdance Sensation 84, un film italien sur le sujet qui utilise de l'italo disco entre autres. D'ailleurs, ce film est un des trois seuls films de breakdance à l'époque. Hein. Donc, si vous étiez comme moi à 7-8 ans en 83-84 et que vous faisiez du breakdance, ce film était incontournable si vous vouliez apprendre des nouveaux trucs. Film que j'ai vu d'ailleurs à premier choix avant le changement pour Super Écran. Un de ces films que je me souviens de ce temps-là. T'sais. Éventuellement, ça perd de sa saveur avec les années en devenant trop pop facile et commercial. Deux exemples connus mondialement sont Tarzan Boy de Baltimora. On pourrait peut-être la jouer de rette là. C'est très, très connu, ça aussi. Ben oui, là, ça a été utilisé dans des films, dans des annonces, ça c'est partout. Là. Bon. Mais c'est pas pire aussi une toune que tu peux chanter le refrain après que tu l'aies entendu une c'est fois. Ça, c'est plus facile que ça. Ça se peut moi, me passe dans la tête une fois par année. Là. Ah, ouais. C'est ça que ça sert, mon gars. Ouais, ouais. Pas mal. Je savais pas que ça s'appelait Tarzan Boy, par contre. Il me semble que ça fait pas mal, en tout cas... féerique. Ouais, c'est féerique, effectivement. Tu vas voir à la fin, c'est très féerique. C'est ça, c'est Baltimora qui nous a juste malheureusement donné une chanson avant de mourir. Ben, il y en a fait d'autres, mais qui n'ont pas été aussi populaires. Hein. Là, on est rendu. On va skipper le refrain, on le connaît. Hein? On va passer tout de suite à Sabrina. Avec plaisir. Bon, ben éventuellement, c'est ça, Sabrina, ben c'est l'autre grande star qui a sorti du NDW à travers le monde. Hein. Oui, c'est Mamelon dans ça. Ben c'est exactement ce que je m'en allais dire, hein. Boys, I'm looking for a good time avec Sabrina et sa plantureuse poitrine qu'elle exposa au monde, ce qui en fit une star instantanée à l'époque. Une compétitrice de Samantha Fox à l'époque dans le domaine chanteuse pop cochonne avec des gros seins. Là, je vais me tasser pour qu'on voit son... Ah, attends un peu, reste là, là, tiens. Ah... Oh, wow. On va avoir une pause de nipple. Ah, je suis pas sûr si c'est celle-là, mais il y en a un autre. Non, non, c'est parce que ça tombe tranquillement. On voit pas full nipple, mais il y a un début, là, ouais. C'est ça, elle monte de l'eau, puis ça, ça descend tout le temps. Je pense que c'était fait un petit peu exprès. Non. Je pense que ça devait être assez simple de leur recommencer le tournage. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est Sabrina, hein, tout le monde tripé sur cette chanson-là. C'est une Allemande, ça? Italienne, ça? Ouais, c'est une Italienne. Okay. Ah, je pense qu'elle a même été parlementaire ou quelque chose dans le genre. Il me semble que j'avais lu ça un moment donné qu'elle avait été dans la politique en Italie. Ben, voyons. Ouais. C'est son autre grande chose qu'elle a faite dans la vie. C'est correct, c'est correct. Ouais, ouais. Comme après avoir donné au peuple, elle a voulu aller prendre. C'est ça. Donc, ben c'est ça, elle, je vais revenir aussi ultérieurement. Ben non, peut-être pas elle, j'ai fait le tour, là, elle a des gros seins. Elle n'a pas grand-chose à nous apporter dans la vie, là. Bon, j'ai tout puis dit. Puis c'est pas la meilleure tune que tu nous as amené à soi non plus, là. Non, non, même, non, non, okay, carrément pas, mais... Le but de la chronique, c'est que je vais y aller bien plus à fond en vous parlant surtout des moins connus qui sont bons, hein, parce qu'il y en a beaucoup puis ils sont très, très oubliés. D'ailleurs, c'est suite à mon Facebook, mon Facebook NDW en février que Tommy m'a proposé de faire cette chronique à 70%. Là, depuis, j'ai changé un peu les règles, pas juste la musique, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que tu viennes puis que tu parles de choses qui t'intéressent parce que c'est intéressant. Ben, merci. Fait que, on va passer tout de suite à la nouvelle vieille nouvelle Nostalgie S. Rubrique nécrologique pour ceux qui ne savent pas, hein, Baltimora de Tarzan Boy est l'une des premières personnes à mourir du sida dans les années 80. Hein. C'est suite après Klaus Nomi qui est le premier, que lui d'ailleurs je parlerai une chronique entièrement dédiée à Klaus Nomi, que Tommy avait peur de lui quand il était petit, il m'a dit. Hein? Ouais. C'était un mime, il avait l'air d'un mime. Klaus Nomi, là. Moi aussi, j'ai peur des mimes quand j'étais petit, surtout. Ben, j'ai pas peur des mimes, j'ai peur. C'est Klaus Nomi. Klaus Nomi. C'est vrai qu'il est weird, hein. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça sur le net. Avec des animaux de la ferme puis des animaux du cirque, des fois, là. C'est un spécial, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça, Klaus Nomi, c'était le premier qui mourait du sida. Ensuite, Falco, ben lui aussi, il est mort, hein, de Rock Me Amadeus, mais sauf que c'est dans les années 90, il est mort dans un accident de route. Le groupe Simple Minds, qui nous ont donné la chanson classique des 80s, Don't You Forget About Me, qu'on a tous entendu dans le film Breakfast Club, détesté cette chanson. Ouais, il haïssait bien raide cette chanson-là. Même qu'ils auraient été obligés de la faire de force par leur maison de disques, qui leur avait conclu une entente avec le studio derrière le film Breakfast Club. Avant sa sortie. Incroyable tout de même qu'ils ont failli pas enregistrer la chanson qui les a fait connaître au monde. Hein. À preuve que on peut pas se fier toujours sur notre propre opinion des fois. Hein. Faut se laisser conseiller puis arrêter d'être borné. Ah oui, faut se laisser fourrer. Ouais. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Il part politique, ça peut être long. Tout est continu. Bon, ben, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la semaine prochaine, si Mathieu le veut. Hey, tout le temps! Mathieu le veut. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, c'est excellent. Là-dessus, je pense qu'on va écouter Jerry Boulet, Un beau grand bateau, puis on va revenir après pour terminer l'émission. Ariane a terminé mes ongles, je vais vous montrer ça. Allez pas trop loin. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Silence tombe pour couper l'amour en deux. Vous habitez au fond pour C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Le silence passe pour couper le monde en deux. Vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me colle à vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux. Vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me parle de vous. Pour couper la poire en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je me moque de vous. Si le silence m'aide pour couper le cœur en deux, vous savez tout faire pour ça. C'est bien de votre faute si je m'éloigne de vous. C'est bien de votre faute si je me rappelle à... Ah, checker ça. Fait que là, ça, c'est les couleurs qu'elle m'a mis de ce côté-là. J'ai aussi celle-là ici. C'est ma main, hein. C'est prêt après mon bras. C'est pas comme quelqu'un qui triche en bas. Et on peut peut-être aller voir mes pieds. On a eu la totale. Et voilà chacun de mes pieds ici. Il y a des... de mes orteils qui est maintenant affublé d'une couleur différente. Merci beaucoup, Ariane Filiatro. Merci beau, à... J'espère pas me tromper. C'était Annick Manert. Voilà, je pense que je l'ai eu. On a eu Jean-Sébastien Godette, Mathieu Boudreau, Simon Portelance, l'équipe Fuseau au complet. Ça veut dire Jonathan Simon, Bruno Deconinck et Nicolas Davio. Ça a été un gros 70% ce soir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux gens dans le salon qui sont là. Et puis ben sinon, allez pas trop loin parce qu'après ça, on parle de The Glimmerman. C'est le film qui a été voté cette semaine sur le site. Un film avec Steven Seagal. On termine le mois des gros bras en grand avec le Steven Seagal. Toi, je vais en parler